Qu'est-ce que c'est qui fait tout ce bruit dans ce monde? Oh, oh, oh, oh, un truc qu'on voit pas. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que c'est qui fait tout ce bruit dans ce monde? Oh, oh, oh, oh, un truc qu'on voit pas. Ah, ah. Qu'est-ce que c'est qui fait tout ce bruit dans ce monde?